Lisbeth crut avoir à elle son Livonien, en se flattant de couper toutes les communications entre le monde et lui. Ne travaillant plus, l'artiste serait oublié comme un homme enterré dans un caveau où seule elle irait le voir. Elle eut ainsi 2 jours de bonheur, car elle espéra donner des coups mortels à la baronne et à sa fille. Pour se rendre chez M. Crevel, qui demeurait rue des Saussées, elle prit par le pont du Carrousel, le quai Voltaire, le quai d'Orsay, la rue Bellechasse, la rue de l'Université, le pont de la Concorde et l'avenue de Marigny. Cette route illogique était tracée par la logique des passions, toujours excessivement ennemie des jambes. La cousine Bette, tant qu'elle fut sur les quais, regarda la rive droite de la Seine en allant avec une grande lenteur. Son calcul était juste. Elle avait laissé Venceslas s'habillant. Elle pensait qu'aussitôt délivré d'elle, l'amoureux irait chez la baronne par le chemin le plus court. En effet, au moment où elle longeait le parapet du quai Voltaire, en dévorant la rivière et marchant en idée sur l'autre rive, elle reconnut l'artiste dès qu'il déboucha par le guichet des Tuileries pour gagner le pont royal. Elle rejoignit là son infidèle et put le suivre sans être vue par lui, car les amoureux se retournent rarement. Elle l'accompagna jusqu'à la maison de Madame Hulot, où elle le vit entrer comme un homme habitué d'y venir. Cette dernière preuve, qui confirmait les confidences de Madame Marneffe, mit Lisbeth hors d'elle.